Radio Cactus 92.2. Bonne journée sur Cactus et bienvenue dans votre magazine à la découverte de la région. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alicia Letup qui est chargée de communication au sein du PIMS de Bourgogne du Sud. Le PIMS c'est quoi ? C'est le point d'information médiation multiservice. Et pour en savoir plus, eh bien, Alicia va répondre à mes questions. Alicia, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est le statut du PIMS ? Nous sommes une association et donc nous adhérons à l'Union nationale des PIMS qui existe depuis 25 ans. Et le PIMS Bourgogne du Sud existe depuis 25 ans ? Non, il existe depuis 10 ans. On a ouvert le premier site à Chauffailles en 2010. Alors, quelles sont les missions du PIMS, point d'information, médiation, multiservice ? Il y en a beaucoup. Donc en fait, on accompagne et on informe sur l'ensemble des services France Service, puisque nous avons été labellisés en 2019 par la préfecture. Alors quand vous parlez de France Service, c'est quoi ? Ce sont donc tout ce qui est CPAM, CAF, CARSAT, MSA, Pôle emploi, ou les cartes grises, ou les impôts par exemple. Que vous travaillez en étroite collaboration avec ces organismes. Vous proposez des accompagnements, de l'information, de l'orientation sur toutes les démarches administratives alors ? C'est ça, sur tous les services France Service et aussi sur les entreprises partenaires avec le PIMS. Donc les entreprises partenaires avec le PIMS, ce sont donc EDF, Veolia, Engie, la SOR, la Poste ou encore la SNCF. Pour lequel on a un point de vente de billets de TER et pour lequel on accompagne également sur les cartes abonnement sur Internet. Mm-hmm. Le PIMS s'est ouvert à qui ? À tout le monde, à toute personne qui a besoin d'aide dans ses démarches administratives. Mm-hmm. Et alors, je suppose que depuis 10 ans, vos services ont évolué ? Oui. Donc aujourd'hui, on a 8 PIMS. Donc on a 5 agences postales, donc à Coublanc, à Châteauneuf, à Melay, à Issy-l'Évêque et au Val-de-Joux. Ensuite, on a 2 gares, donc Chauffailles et Amplepluie. Et puis, on a un site avec des appartements témoins, donc à Beaudemont-Laclette. Mmh. Alors, quand vous parlez de 2 gares, de 5 agences postales, ça veut dire qu'il y a une personne salariée du PIMS qui fait postière ? On propose tous les services de la poste, oui. D'accord. Et en plus, à côté, on a toujours un bureau PIMS. Mmh. Vous proposez également des ateliers numériques. Oui. Expliquez-nous. En fait, c'est un agent du PIMS qui propose aux usagers de se former. Donc, on les guide et on les accompagne pour qu'ils soient plus autonomes sur Internet et sur leurs démarches administratives. Ce qui veut dire que le PIMS a du matériel informatique ou la personne ne doit venir avec son matériel ? Non, on a donc un accès libre. Donc c'est un espace où les usagers peuvent venir gratuitement pour utiliser tous les sites de nos partenaires. Et puis donc du coup, quand on a un rendez-vous pour l'atelier numérique, on utilise ces ordinateurs et donc on les accompagne. Très bien. Je vois que vous faites le senior mobile. Expliquez-nous ce service. La senior mobile, c'est une voiture. On a un agent du PIMS qui est Annie, qui gère ce service. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont besoin d'un moyen de locomotion. Et donc c'est en partenariat avec les cofinanceurs du 71 et le GIE IMPA. Ce qui veut dire qu'une personne de Beaumont qui veut se rendre sur Paray-le-Monial ou sur Mâcon fait appel à ce service Senior Mobile. En fait, il faut surtout appeler le PIMS de Chauffailles pour savoir si ça va être possible de partir aussi loin, parce que on a des plannings et donc en fonction des plages horaires qui sont disponibles, c'est Annie qui pourra dire si oui ou non elle pourra emmener la personne. Donc justement, on parle de seniors mobiles pour les personnes de plus de 60 ans. Oui. Et vous avez évoqué les appartements domotiques. Alors qu'est-ce qu'un appartement domotique qui, je crois, sont visibles ou installés dans les locaux de Beaumont? Oui, c'est ça, à Beaumont. Donc c'est une nouveauté. C'est le PIMS qui anime donc le point conseil énergie. Et donc dans le point conseil énergie, il y a donc effectivement l'appartement domotique qui permet de découvrir des aménagements modernes qui répondent à des normes de sécurité et de bien vieillir. Donc il y a des conseils, des accompagnements en lien avec nos partenaires, comme un ergothérapeute de la Mutualité française par exemple. Ce qui veut dire que, en réel, on a un appartement qui est aménagé pour des personnes qui rencontreraient des problèmes de mobilité. Tout à fait. En fait, on a un appartement qui est meublé complètement pour qu'on puisse se projeter, pour qu'on puisse voir exactement les aménagements qui peuvent être faits pour bien vivre chez soi en étant une personne âgée. Alors, je suppose qu'il n'y a pas qu'un ergothérapeute qui est présent. Il y a peut-être d'autres personnes qui accompagnent le public pour expliquer le dispositif. En fait, c'est l'agent du PIMS qui fait la visite des appartements. Et l'appartement virtuel, alors, c'est quoi ? Donc l'appartement virtuel, c'est un appartement dans lequel il y aura un casque de réalité virtuelle. C'est pour permettre d'intéresser les jeunes aux questions du tri et à l'économie d'énergie. Donc du coup, ils seront dans un appartement virtuel et ils devront faire des choix sur le tri ou des choses comme ça. Alors Alicia, cet appartement virtuel, il fait partie d'une nouveauté que vous avez mis en place au PIMS de Beaumont qui s'appelle le point conseil énergie. Exactement, c'est ça. Donc c'est le point conseil énergie, ça regroupe les informations utiles comme MaPrimeRénov. Donc les agents pourront conseiller sur toutes les actualités en matière de rénovation et sur les aides mobilisables, donc toujours en lien avec nos partenaires spécialisés. Et puis l'appartement domotique dont on a parlé tout à l'heure, et enfin l'appartement virtuel. Ce qui veut dire que les aménagements que l'on peut faire chez soi peuvent être financés en partie par l'État ou d'autres organismes ? Tout à fait. Donc il y a des aides qui sont données par l'État et aussi par d'autres organismes comme les fournisseurs d'énergie ou plein d'autres choses. Et puis du coup, nous on est là pour les aider à trouver les aides dont ils ont le droit et à faire du coup les demandes sur MaPrimeRénov. D'accord. Alors, il y a pas mal de nouveautés au PIMS Bourgogne du Sud. Parlons du label le Point Conseil Budget. Oui, donc nous avons obtenu ce nouveau label qui nous a été attribué par la préfecture de la région. Et donc ça nous permet d'accompagner à la gestion du budget familial et à la gestion des factures impayées. Alors, dans tous ces services, je vais en revenir au service d'accompagnement, d'information sur le service entreprise, service France Service. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de service que vous pouvez rendre à la population ? En fait, on peut les aider des démarches de la naissance jusqu'aux démarches complexes des décès. Donc quelqu'un qui vient au PIMS pour déclarer une naissance auprès de la CAF, par exemple, on peut l'aider sans problème. Et puis, donc tout ce qui est retraite, donc les dossiers retraite, ou encore donc tout ce qui est démarches complexes pour les décès. D'accord, donc tous les dossiers administratifs qui prennent un peu la tête, ou qui sont difficiles, ou si on se pose une question sur tel ou tel point, on peut faire appel à vous. Exactement. Alors, on rappelle les différentes antennes, les différents bureaux de ce PIMS Bourgogne du Sud, point d'information médiation multiservices. Bien sûr, donc nous avons 8 PIMS, donc 5 agences postales. Donc les agences postales, il y a Coublanc, Châteauneuf, Melay, Issy-l'Évêque et Val-de-Joux. Ensuite, on a deux gares, donc Chauffailles et Amplepluie. Et puis, il y a donc le site Bonnemont-Laclette pour lequel on a des appartements témoins. Et ces bureaux sont ouverts tous les jours ? Tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis pour les agences postales, certains sont ouverts le samedi. Mmh. Si on a besoin de vos services au point d'information médiation multiservices, on prend contact par le biais de quel numéro de téléphone ? Il y a un numéro de téléphone différent pour chaque PIMS. Donc on a aussi des pages Facebook sur lesquelles on a mis à jour tous les horaires d'ouverture. Et donc il y a aussi les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez nous contacter. Mmh. Vous pouvez quand même nous donner peut-être celui du siège, comme ça, pour que ceux qui n'ont pas justement à disposition tous les moyens internet, numérique, informatique. Bien sûr, celui de Chauffaille, c'est le 03 85 24 29 50. 03 85 24 29 50, donc c'est les bureaux de Chauffailles pour le PIMS Bourgogne du Sud. C'est ça. Alicia, merci. Merci à vous. Retrouvez votre magazine du lundi au vendredi à 7h30, 11h et 15h. Radio Cactus 92.2. Yeah.